Bon, avant de passer à la période de questions, j'ai une publicité à faire, mais comme les publicités sont difficiles. Ah oui, parce qu'on ne sait pas s'ils sont informatifs ou s'ils sont propagandistes. Bon, OK, je vais essayer de faire ça de façon informative. Toutes les personnes intéressées à participer en lisant comme ça, c'est... Hein, c'est plate, sans c'est émotion, sans... Mais de la musique au moins, non? Alors, toutes les personnes intéressées à participer à l'activité Découvrir les entités naturelles, ça va avoir lieu à Montebello le 13 octobre, sont invitées à s'inscrire le plus tôt possible afin que l'Académie PMC puisse planifier l'organisation des repas. C'est quoi, découvrir les entités naturelles? Ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entités naturelles cachées derrière les arbres. Fait que là, tu te promènes avec une lampe de poche, puis tu... C'est un séminaire, ça? Non, c'est une journée où il y a des personnes qui font le PMC, qui vont sensibiliser certaines personnes dans la forêt à la perception de l'énergie vitale, donc à la perception de certaines entités, puis à pas quelque chose comme ça, dans un cadre qui est approprié puis qui est préparé. Alors, ce qui fait que c'est ça. OK. Avant de passer à la période de questions, il y en a beaucoup, on va faire ça vite. Mais dans la première... T'en lis 4-5, je réponds à une. T'en lis 4-5, je réponds à une. Ça y est. Dans la première partie, tu étais bien encourageant. Tu nous as dit qu'on aurait le sida, qu'il y avait de la terreur qui était autour de la planète, qu'il y aurait peut-être une guerre mondiale, quoi d'autre, que l'économie va mal, qu'elle va aller plus mal. qu'est-ce qu'il y a de pire, là? Ça, c'était la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle? Bon, ce qu'on doit comprendre, premièrement, c'est que c'est évident que si on dit aux êtres humains, par exemple, que le pain blanc, c'est un pain qui contient uniquement des calories mortes, que le sucre blanc, c'est mort, etc., etc., une personne, à un moment donné, regarde une boîte de conserve, puis il dit, tiens, je vais prendre du bouillon de bœuf, c'est bon pour la santé. Là, c'est écrit dessus glutamate monosodique, qui est un préservatif qui attaque le cerveau. Bon, là, n'en prend plus. Là, une personne prend telle chose. Finalement, tout ce qui était bon pour la santé, subitement, quand tu commences à vouloir t'alimenter convenablement, bien, il faut que tu jeûnes le reste de ta vie, parce qu'à peu près tout ce qui se vend sur le marché n'est pas bon. Même l'air et l'eau. Ah, oh, même l'air est complexe, puis l'eau aussi. Bon. Alors là, ce qui arrive, c'est que si on parle aux gens de la problématique de l'alimentation traditionnelle collective, ben c'est exactement comme si on leur mettait un cube de glace sur la nuque en arrière. Alors, tout semble noir. Mais évidemment, si on est capable de découvrir comment noir c'est qu'on est maintenant rendu avec une capacité de supporter quelque chose de d'autre qui sera souvent ce qu'on doit faire. Alors, progressivement, on peut dire, et c'est souvent ce qui arrive, on va dire qu'il faudrait qu'on remange comme nos ancêtres mangeaient. Nos ancêtres étaient trop pauvres pour avoir, par exemple, de la farine blanchie. Alors, on avait une farine qui était plus ou moins brunâtre. On n'éliminait pas toute la cochonnerie qu'il y avait dedans, c'est-à-dire tout ce qui maintenant devient des éléments essentiels et nutritifs. Bon. Et progressivement, on doit se rendre compte que moins on fait cuire, comme dans le passé on faisait, moins on va filtrer ou raffiner, comme dans le passé on faisait, moins on va, etc., etc., plus on va être en santé. Bon. Et ça donne l'impression qu'il faut faire un retour aux sources. Mais c'est un gros danger. On ne doit pas faire de retour aux sources et on doit simplement comprendre les choses qu'on a abandonnées pendant la recherche et maintenir et conserver ce qu'on a découvert de positif maintenant qu'on a trouvé des choses. Donc, on devra effectivement manger mieux tout en continuant à bénéficier de la science, mais adapter la science à ce qu'on puisse continuer à manger mieux. Donc, ça paraît extrêmement noir quand on découvre tout ce qu'on mange. Et maintenant, de plus en plus, ben, y a du poulet nourri au grain. Il y a du veau nourri au grain. Il y a de plus en plus des éléments qui sont bons pour la santé, mais pas juste au niveau publicitaire, mais qui sont réellement bons pour la santé, qui vont reconstruire un corps physique à moyen terme, évidemment. Il y en a de plus en plus. Quand on parle justement d'apocalypse ou encore des événements mondiaux, on doit aussi savoir que, tout à l'heure, on parlait de Terre des Hommes. On peut constater la conscientisation, pas planétaire, mais la conscientisation nord-planétaire, du moins dans la grande partie, du phénomène de l'écologie. On peut constater qu'effectivement, il y a de plus en plus d'intelligence qui tend à s'appliquer. Et on a beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui veulent vraiment faire des produits qui sont écologiques. Pas uniquement parce que ça se vend. Il y a de la conscience maintenant. Pendant un grand bout de temps, c'était uniquement en fonction de est-ce que ça se vend ou pas. Il y a de la conscience maintenant où il y a des hommes, des femmes d'affaires prêtes à débourser et même à risquer certaines choses pour qu'on pollue moins. Il y a une conscience. Il y a un retour aux sources, autrement dit. Il y a une conscience qui commence à s'installer, qui est une conscience christique, donc intelligente, cette fois-ci, ils n'ont pas une conscience de suiveux ou de suiveuse. C'est pas parce que les clients vont en acheter. Faut que les clients en achètent. Parce que sinon, on s'en va vers une destruction de l'écosystème planétaire. Alors, il y a comme un retour aux sources où des individus, des êtres humains nord-planétaires, commencent subitement à se dire, dans 200 ans, dans 500 ans, dans qu'est-ce qu'on va léguer aux générations qui vont suivre, alors que dans l'astralité ou dans celui qui évolue, souvent, il va se dire, « J'ai rien à foutre, moi, de ceux qui vont suivre. Moi, c'est ma vie immédiatement. » Et dans le passé, les ancêtres travaillaient pour léguer à leurs enfants une terre plus fructueuse, plus confortable. Et ça se faisait de génération en génération. C'est ce qui fait qu'on bénéficie royalement d'une société comme la nôtre aujourd'hui. C'est que du monde sont venus arracher des arbres, sont venus arracher des roches, qui ont fait des champs avec des forêts. Allez vous promener en forêt. Puis imaginez-vous que ça, ils en ont fait des champs. Vous allez voir que même si on vous donnerait un bulldozer, la majorité d'entre nous, on trouverait que ça n'a aucun sens de faire ça. Ils l'ont fait avec des percherons, puis souvent avec eux-mêmes. Alors, on a préparé. Et puis, progressivement, il y a comme un retour aux sources où on tend à repréparer l'avenir. Donc, il y a une conscientisation au niveau de la paix. Il y a une conscientisation au niveau de plusieurs choses. Présentement, on a plus de nations qui sont unies ensemble contre l'Irak. C'est sûr, ça peut engendrer une guerre. La guerre peut ne pas être longue. Ce qu'on doit savoir, c'est que il y a un rôle fondamental, historique, aux prophètes. Les prophètes sont de deux ordres. Prophète de malheur, prophète de bonheur. Normalement, le prophète de bonheur est le menteur et le prophète de malheur est celui qui dit la vérité. Normalement. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans les prophètes de malheur, il y a beaucoup de prophètes. Il y a donc deux ordres de prophètes dans les prophètes de malheur. Le premier ordre sera celui qui travaillera pour qu'advienne ce qu'il prophétise. Alors que la majorité des prophètes qui sont missionnés, c'est un terme que je déteste, qui sont manipulés à faire quelque chose de positif, Nostradamus en était un, Jean 23 en était un, Malachi en était un, il y en a plusieurs, Edgar Cayce, non, lui ne travaillait pas pour le même côté, involontairement, inconsciemment. Il y a beaucoup de prophètes de malheur qui ont amené de l'information pour que les humains en aient une peur telle que la prophétie jamais ne s'accomplisse. Alors on dira, tel prophète, gars, tu t'es carrément trompé, puis tu croyais à lui, tu t'es fait avoir comme il faut. Non. Lui a fait des prophéties dans le sens, il va arriver ceci. Mais si on a assez peur ou si on est consciemment suffisamment intelligent pour se dire, c'est pas ça qu'on veut, bien, il y a des fortes chances que l'humanité bifurque suffisamment pour que ce prophète-là ait tort. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Mais s'il aurait dit aux gens, faites attention, il se peut que personne ne va le croire. Mais s'il dit, quoi que vous fassiez, c'est ça qui va arriver. Ah là, on a peur, on y croit à maudit. Et là, parce qu'on y croit et parce qu'on a peur, évidemment, la croyance va amener l'humain vers ça. Mais en même temps, ça développe de la conscience. Et lorsqu'il y aura suffisamment de conscience, on pourra maintenant comprendre des mécaniques et on pourra se dire, écoute, ben, c'est pas ça qu'on veut qu'il arrive. Parce que l'idée d'Apocalypse, on l'a dans la tête. L'idée de Troisième Guerre mondiale, on l'a dans la tête. Le dernier qui l'a prophétisé, c'était Albert Einstein. Bon, on l'a dans la tête. L'ayant dans la tête, ça devient une conséquentialité probable. Alors, on l'a notre conscience qui fait qu'il y a beaucoup de mécaniques aujourd'hui qui sont engendrées pour éviter ça. Et si on n'en parle pas là parce qu'on va répondre aux questions, sachez qu'il y a autant présentement de mécaniques pour rendre agréable la vie dans les années à venir qu'il y a de mécaniques qui vont tout faire pour que ça n'advienne pas. Mais une chose qu'on doit savoir, c'est que l'intelligence n'a à peu près jamais touché l'humain dans le passé. Il y a eu le Nazaréen, il y a eu quelques autres rares exceptions. Et tout ce qui est prévu dans l'astral ne peut pas prévoir ce que l'intelligence va faire. Il y a de plus en plus d'humains au Québec et un peu ailleurs dans le monde, qui ont de plus en plus de contacts avec l'intelligence. Et un contact avec l'intelligence, c'est pas une affaire qui vous parle dans votre tête, qui vous dit, écoute, lève ton bras, il y a une mouche qui s'en vient à l'attrape-là. C'est pas ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est simplement la capacité raffinée que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains individuels, de décoder et de se dire, sans propagande collective, que telle chose a du sens, telle autre n'a pas de sens. C'est ça, l'intelligence. C'est de voir aussi que ben, ça n'a pas de sens. Bon, on peut regarder les traditions qui, à un moment donné, finissent par s'effriter parce que ça n'a pas de sens. Telle explication. On ne rejettera pas nécessairement tout, mais on n'accréditera pas tout de suite. Ça, c'est de l'intelligence. Parce que l'humain, quand on dit, par exemple, un jour, vous aurez un contact total avec votre esprit, pour la majorité des êtres humains, ça ne veut rien dire. Là, il y en a qui vont se dire, à un moment donné, pour moi, je pense, j'ai mon contact total. Ben, tu ne seras pas à mes conférences, ça sera ton contact total. Je serai aux tiennes. Alors, évidemment, tu es un snobiste au niveau d'évolution. qui fait qu'il y a des individus qui vont se faire leurrer, encore une fois, même dans la conscientisation. Il y en a qui vont dire, ah, moi, mon double éthérique est totalement constitué, j'en suis convaincu. Bon, ben, en tout cas, ouais. C'est facile, je pourrais facilement vérifier. Mais une chose certaine, tu n'irais même pas t'inventer. Bon. Puis quelqu'un va dire, bon, c'est pas vanté, je l'ai juste dit comme ça. Oh, ben, j'ai gagné 10 millions de loterie hier. Je m'en vante pas, là, c'est juste une information comme ça. C'est quasiment la même chose. Le double éthérique, c'est l'immortalité au niveau de la conscience. Bon. Alors, il faut faire attention, c'est sûr, mais il y a autant de mécanismes et dans les années qui vont venir, les choses noires vont sembler prendre plus de puissance parce qu'elles sont matérielles. Un char d'assaut qui se dirige vers vous, ça a l'air mauditement plus puissant que vous. Puis quand le canon commence à tourner avec la tourelle, il vient se braquer directement sur votre tête et que ça a l'air puissant. Ce que vous ne savez pas, c'est que le gars qui est en dedans ne pourra jamais tirer. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes là. Puis ça, vous ne le saviez pas. C'est sûr qu'au niveau du décorum, le char d'assaut, puis vous, là, vous allez dire, hey, moi, je suis une lavette, rien que moi ça. S'il décide d'avancer, il ne pourra pas, le gars, avancer. S'il décide de tirer, il ne pourra pas tirer. Mais pourquoi? Demande-y, il va simplement te répondre qu'il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est de l'intelligence. La puissance de l'être humain qui va être investi d'intelligence, elle n'est pas percevable aujourd'hui. Mais faites-vous-en pas, les choses ne sont pas laides. Il y aura des années croches. Dommage. Je suis sûr que dans une situation comme ça, l'intelligence, ça a un certain poids parce que mes culottes seraient plus pesantes avec le canon dirigé vers moi que sans l'intelligence. C'est parce qu'on ne contrôle pas encore ton système digestif. OK. Mais uniquement. Alors, c'est pourquoi je veux bien que vous compreniez l'idée. C'est parce que souvent, la personne qui se conscientise, quand elle fait référence au reste de la planète, et c'est l'apanage du conscientisé et de la conscientisée, de découvrir subitement qu'on n'est rien. Mais le conscientisé découvre qu'il n'est rien et ça ne le dérangera pas. Là, ce n'est pas de la mémoire de conscientiser, c'est de l'intelligence. Alors, je regarde le soleil, je regarde les planètes. Oui, regarde la Terre, oui. Mais c'est toi qui la dirige, la Terre. Elle te sert. Elle est plus grosse. Elle te sert. Et le char d'assaut, ce sera la même chose. Il est beaucoup plus gros. Oui, je pense plus. Le char d'assaut, il est beaucoup plus gros, mais le gars qui est dedans ne pourra pas tirer. Adolf Hitler, à un moment donné, s'est ramassé devant, tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, il s'est battu. Il s'est battu pour y aller, mais après ça, il était obligé d'y aller quand même. Bon, il s'est battu aussi. Et puis, il y a eu un bataillon dans lequel ils étaient, et tout le monde s'est fait tuer. Mais pas lui. Il s'est même ramassé nez à nez avec un ennemi. Mais l'autre, il l'aurait battu, Adolf Hitler. Mais son fusil s'est enrayé. Il y a des manipulations, tout est bien orchestré, et dans l'intelligence, plus un individu est intelligent, plus il se conscientise, plus il a une conscience individuelle, ça paraîtra pas sa puissance. C'est pas lui qui va se faire violer. C'est pas lui qui va se faire attaquer dans les temps qui viennent. Il y aura pas de problème. Puis il saura pas pourquoi, puis finalement il va savoir pourquoi. Parce que c'est moi, parce que c'est lui. Mais pas, il n'ira pas pour se flotter dans les airs ou vouloir amorcer des milliers de fidèles. Il va s'unir à ceux qui sont comme lui. C'est l'apanage de la nouvelle race. Alors, il voit que les questions, mais faites-vous-en pas, c'est extrêmement blanc, c'est même pas mal plus blanc. Disons que c'est pas noir, c'est noir. Puis c'est réellement blanc. Nostradamus dit d'ailleurs dans sa prévision pour la Troisième Guerre mondiale... Mais il s'est trompé à bien des places. On va revenir où il s'est trompé. Ah, on en parle la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est trompé, mais... Là, bon, ben c'est ça, là. On a parlé de ça. L'ONU est-elle vraiment une organisation qui travaille au mieux-être de la planète? Première question. L'Organisation des Nations Unies est une... C'est une terrestrification, c'est la descente dans la matière d'une idée d'intelligence. Ça a été amené premièrement dans la Société des Nations, qui n'a pas fonctionné. Et on a ramené l'idée par la suite au niveau de l'Organisation des Nations Unies. C'est de l'intelligence appliquée dans la matière par des êtres humains spirituels. L'ONU travaille intimement et uniquement dans un seul objectif, c'est l'amélioration des conditions planétaires. Alors, il y aura l'Organisation mondiale de la santé qui en fait partie, il y aura l'UNESCO, il y a énormément de parties de l'ONU qui vont s'occuper de l'alimentation planétaire, de l'agriculture, de ceci, de cela. C'est effectivement, ça travaille uniquement dans le but d'aider l'humanité, mais c'est carrié un peu. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas grave de toute façon, c'est un des plus grands coups de pouce que l'humanité n'aura pas eu, à part peut-être des organisations secrètes ou encore planétairement un paquet de petits organismes ou d'individus qui ont donné un coup de pouce, là, mais au niveau d'organisation nationale ou même internationale, c'est ce qu'il y a eu de mieux. Est-il vrai que l'ONU est dirigée par des forces occultes de nature plutôt intraterrestre qui travaillent c'est pourquoi je dis qu'elle est carriée. Et ça, bon, je vais pas trop en parler, mais enfin. Elle est carriée en ce sens que la mécanique intraterrestre, ceux qui ne. Bon, le livre La Cité de Sept que j'ai écrit, c'est un roman anticipation de réalité où on parle beaucoup de la mécanique intraterrestre. Les intraterrestres sont arrivés dans le passé, un peu en même temps d'ailleurs que des mécaniques élohimiques. Et ce sont des êtres qui n'ont pas supporté le refroidissement du contexte planétaire, surtout à partir du temps atlantéen. Ils sont donc réfugiés là où il y avait de la chaleur. Bref, brièvement, c'est eux qui manipulent en grande partie les phénomènes des pluies acides, parce qu'au niveau de sous-terre, là où ils vivent, l'air est beaucoup plus sulfureux et nitreux. C'est ce qui est rejeté dans l'atmosphère, surtout ce qui va engendrer l'acide sulfurique ou nitrique, qui est les plus acides. Il y a beaucoup plus de chaleur, donc ils vont s'arranger pour créer un effet de serre au niveau de l'industrie planétaire parce que la Terre est trop froide, ils devront sortir d'ici peu. Donc, en sortant, ils voudront conquérir le contexte planétaire. Ils vont travailler donc avec énormément de nations. C'est eux qui vont forcer l'alliance non nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs choses comme ça qui vont se passer. Et effectivement, ils sont implantés dans la majorité des gouvernements et ils sont en train de carrier les forces de l'ONU. Ce qui se passe au Sénat actuellement, est-il un signe précurseur que les institutions archaïques sont en train de se désintégrer? Bah, évidemment, Sénat, ça commence par S, comme d'autres mots de la langue française. Alors, on peut constater qu'il y a beaucoup de... Bon, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que non. C'est simplement, lorsque j'étais tout jeune, je fus jeune un jour, il y a une espèce de vision que j'ai toujours détestée, où on se retrouvait avec une problématique style guerre civile à l'échelle canadienne, où on avait un nationaliste qui voulait croître, mais à l'époque, évidemment, il n'était pas question encore de nationaliste ou de parti québécois, et on avait envoyé l'armée canadienne pour intervenir. Maintenant, dans l'armée canadienne, les Français ou les Québécois, à un moment donné, se révoltent contre l'armée canadienne anglaise, qui engendre deux pouvoirs militaires qui vont se battre. Et il y a un paquet de problèmes comme ça, et on avait progressivement, donc un peu avant ça, l'amener de l'anarchie. Et présentement, c'est un peu ça, ça ressemble à ça. Mais vu que je l'ai rêvé quand j'étais jeune, etc., je sais que c'est pas ça qui va arriver. Je connais la mécanique des prophéties, puis c'est pas ça qui va arriver du tout. Ça va être comme j'ai pas vu. Donc, ce que j'ai vu, je sais que c'est pas ça. Parce que moi, j'ai un pouvoir formidable. Je peux prévoir tout ce qui arrivera pas. Et c'est vrai. Et là, ça crée un problème, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir exactement ce qui va arriver. Mais si tu me poses une question, par exemple, est-ce que je vais mourir à l'âge de 26 ans? Comme dans ton cas, là? Non. T'es bon, t'es bon. Mais si tu me dis à quel âge tu vas mourir, je sais pas. Mais je peux prévoir à quel âge je mourrai pas. Bon. Je peux prévoir, non, ça arrivera pas. Ouais. Et il y a présentement, effectivement, des prémices d'anarchie qui tendent à apparaître au Canada. On a eu la problématique, par exemple, avec les Warriors. Où finalement, si t'es blanc, t'as pas beaucoup de droits, mais si tu es noir, on te libérera sans caution. En tout cas, bref, si dans les minorités ont plus de droits que la majorité. Il y a des formes d'anarchie où on pourra se dire, crime, on n'a qu'à prendre les armes à un moment donné, puis on va finir par avoir gain de cause. Le gouvernement fait tout pour que ça ne fonctionne pas comme ça. Là, les sénateurs se réveillent de l'autre côté, puis en tout cas, il y a un paquet de... C'est des prémices simplement à la folie astrale. J'expliquais tout à l'heure que l'humanité était manipulée par ça. Il y aura des folies au niveau financier, il y aura des folies au niveau des démocraties. Il y a plusieurs choses qui vont changer. Se dirige-t-on au Québec vers une récession pire qu'au début des années 80? Aussi, comme d'habitude, les médias ont tendance à amplifier les choses. Mais en 80, on n'a pas eu une récession. Pourquoi les gens continuent à aller au cinéma? Bon. Il y a eu une baisse, évidemment. On se dirige vers... disons que les livres d'histoire prétendent que, effectivement, dans les années 90, on va aller chercher une récession assez puissante. Mais, et comprenez bien une chose, ceux qui sont en affaires, ce serait bien important que vous l'intégriez. Les seuls individus qui vont bien traverser la récession, c'est les individus qui seront transparents. Bon, c'est pas parce que je radote que je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que je suis un homme d'affaires, et des clients viennent chez moi et je les vole, je les plante. Je me dis, autant leur prendre le maximum d'argent, dans 2 ans, ils n'en auront plus. Il y a des gens qui vont subir les choses, il y en a qui vont supporter les choses, puis les compagnies qui vont fermer, il y aura des petites compagnies, mais il y aura beaucoup de petites compagnies qui vont vivre avec une philosophie en affaires pas d'amis, qui vont vivre en rapace. Et ceux qui seront honnêtes, transparents, en ce sens que non, achète pas ça, c'est pas ça que tu as besoin. Mais j'aurais dû y vendre quand même. Tu sais, là, il faut que je ramasse l'argent au maximum. Faites pas ça, vous allez voir que les lois vont changer progressivement, puis les gens vont être capables de reconnaître là où ils doivent aller acheter. Et c'est ceux qui auront à traverser qui vont être alimentés. Les clients, inconsciemment, ils ne sauront pas plus ce qu'ils vont faire, mais ils vont mieux le faire en maudit. Puis on va aller chercher les bonnes personnes. La maladie de fatigue que tu as décrite en première partie a-t-elle comme déclencheur le retrait des énergies belzébuciennes vers les végétaux? Ça, c'est une grosse, grosse chose, la dépollution planétaire, mais en même temps, il y a des caractéristiques génétiques qui vont faire en sorte que, progressivement, les capteurs d'énergie yin et yang, on en a dans la bouche très peu, on en a surtout au niveau des parties du nez, ces capteurs-là vont être de moins en moins efficaces. Il y a un grand capteur qui est le système cutané. Ça va être de moins en moins efficace. Ça ne captera plus. Alors, l'individu va être de plus en plus fatigué, qu'il pourra devenir anémique, il aura un paquet de problèmes protéiniques, il y aura de différents phénomènes qui vont apparaître, qui seront des symptômes, que la médecine verra comme des maladies séparées. Et progressivement, elle finira par se rendre compte que, non, c'est un syndrome réel qui apparaît. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les individus. C'est l'énergie yin ou yang qui va manquer, principalement? C'est ça. Les deux? Ça. Et hominal. L'homme est intentionnel. Est-ce que les Elohim sont intentionnels? Oui, les Elohim sont intentionnels. Si oui, que veux-tu dire par l'homme? C'est quoi l'homme? Est-ce que c'est l'intention? Bon, très rapidement, encore une fois, la personne, elle va comprendre. L'homme, c'est la possibilité créationnelle de permettre à tout ce qui a été créactivé lors du premier processus, permettre à toute cette mécanique-là de pouvoir se fusionner, donc de pouvoir se retrouver dans une seule expression. Alors, la personne connaît le mot « effusion ». Alors, au début de la création, je ne parle pas de la création de notre univers, parce qu'il y a plusieurs... De notre univers est un petit agglomérat, petit ensemble, un tout petit ensemble de quelques milliards de galaxies dans un super univers qui, lui, se retrouve dans une création. Alors, quand on parle de la création de l'univers, on parle d'un univers local. Quand on parle de la création du ciel et de la terre, les deux sont créés en même temps parce que le ciel, c'est la couche atmosphérique qui conserve la mémoire de l'expérience planétaire et c'est créé en même temps qu'une structure matérielle. Donc, on crée le ciel et la terre en même temps. Puis ça, c'est très, très, très localisé. Alors, à ce niveau-là, l'homme, c'est la possibilité de recevoir la matière, l'énergie vitale, l'énergie astrale, l'énergie mentale, supramentale. On parle de gratuité et d'intentionnalité, tout en même temps dans une fusion qui est le processus inverse de la création, qui est un processus d'effusion. On pourra parler, dans d'autres mots, de descente dans la matière, qui est le processus d'effusion, alors que le retour de la matière vers la lumière sera le processus de fusion. Il paraît que la haute énergie astrale vibre à 72 fois 10 à la 24 Hz. Comme le cerveau physique se dépolarise, plus ou moins un millénaire. Hertz? C'est pas kilohertz? Ouais, c'est des hertz, ben à 10 à la 24. Oui, mais tu mets kilohertz, c'est... Parce que tu mets kilohertz, ça va être moins que 10 à la 21. Ouais, je sais bien. Ça va être 10 à la 21. Trois de moins. 10 à la 21. C'est ça. Comme le cerveau physique se dépolarise à une vitesse beaucoup plus faible que celle de la lumière, est-ce à dire qu'une partie du processus psychologique ne s'effectue qu'au niveau astral? Bon. La majorité du processus psychologique, à part la pensée, s'effectue au niveau astral et par dépolarisation, surtout au niveau du système endocrinien, ça devient corporisé. On connaît les émotions parce que ça bouge dans notre corps, dans nos tripes, le cœur s'accélère, on transpire, on rougit, etc. Premièrement, au niveau de la structure astrale, ça va beaucoup plus rapidement que, bon, on parle ici, par exemple, de 10 à la 24, 72 à la 24. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'astral vibre à partir... L'astral est capable de vibrer à partir des notes de musique, donc à partir du système sonore, du bruit. L'astral, il y a de la mémoire astrale à ce niveau-là. Et il y a de la mémoire astrale, donc, au niveau de la lumière, évidemment. Il y a de la mémoire astrale au niveau de la chaleur. Il y a de la mémoire astrale à peu près à tous les niveaux matériels. Peut-être ce qu'on doit comprendre, c'est que... Comme il y a de la mémoire astrale au niveau des ronflements, bon. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a... Dans l'astral, on peut aller extrêmement, extrêmement, extrêmement haut. Bon, de temps en temps, l'énergie, ça magnétise suffisamment que ça endort. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez... Dans les séminaires, c'est fréquent. Je dis souvent aux individus, si vous avez un compagnon qui... Voilà, bon. Puis souvent, l'autre personne... ça allait bien. C'est de l'énergie, il faut comprendre le principe et ça va bien. D'ailleurs, on devrait toujours endormir les patients comme ça. Ça les guérirait énormément. Tu sais pourquoi on les appelle patients dans les hôpitaux? Parce que le service est long, moi, c'est carrément. Alors. Avant, c'était des malades. Maintenant, il faut que tu sois patient pour être malade. C'est ça, oui. Mais de toute façon, mieux vaut être patient volant qu'à l'hôpital. C'est toujours ça quand je suis ambulancier. Moi, c'est la meilleure chose. Bon. Donc, quand on parle d'énergie, on parlera du cerveau. Le cerveau, l'astral, s'exprime à plusieurs niveaux. Il y a une grande partie qui se fait au niveau de l'âme. Elle est communiquée par un interpréteur actionnel, donc par un interpréteur qui va, dans le cerveau, créer des dépolarisations qui vont engendrer des mouvements ou encore de l'élocution, ces choses-là, ou une image électromagnétique qui est la pensée. Mais il y a des neurones qui, dans la mutation cérébrale de l'humain, l'humain va fonctionner autrement que par des polarisations bioélectriques. Présentement, il y en a besoin pour se dépolariser, c'est-à-dire, on dira pour réfléchir, pour avoir des réflexes. On a besoin de chlore, on a besoin d'hydrogène, il y a besoin de sodium, entre autres, au niveau des pompes. Et il y a, c'est une dépolarisation, une conduction électrique qui se fait par mécanique chimique. Quand on prend de l'alcool, on vient perturber tout ça au complet, c'est plus compliqué. L'humain qui mute, donc la personne ici, peut-être qu'elle va comprendre les termes, l'humain qui mute, élu donc la nouvelle race, et c'est commencé chez plusieurs d'entre vous, à un moment donné, il va arriver qu'au niveau des axones, il y a une gaine de myéline avec des nœuds de ranvier. La gaine de myéline, elle va s'étendre. Plus c'est myélinisé un axone, plus la conduction est rapide, ce qui permet l'élaboration d'une conscience beaucoup plus rapide, donc plus grande en termes de temps. Parce que plus tu peux analyser rapidement des choses, en termes de la même seconde, tu peux voir plus de choses, c'est plus grand. Maintenant, progressivement, il va y avoir aussi une mutation qui va se faire sur un autre ordre. Il y aura une rationalisation des contacts neuroniques, ce qui fait qu'au lieu de passer par un paquet de neurones pour lever la main, ça va passer plus rapidement. C'est de plus en plus efficace physiquement et dans ton raisonnement. Et à un moment donné, il y aura une communication qui va se faire beaucoup plus au niveau de l'atomicité des neurones, donc elle sera énergétique à 299 792,5 km à la seconde, donc à la vitesse de la lumière. Et là, on aura une conscience qui sera beaucoup plus près de l'instantanéité. Deuxième question du même volet. D'un point de vue plus pratique, est-ce vrai de dire que la pensée qui se déroule dans notre tête n'est que le résultat d'un processus plus complexe dont on ne voit pas tous les détails? Absolument, absolument. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas faire confiance à sa pensée. Mais parlez dans votre tête, c'est beaucoup plus précis. Puis parlez à voix haute, tout ce que vous feriez que vous ne feriez pas, bien en le disant, allez savoir. Essayez ça, vous allez voir, c'est la meilleure façon de développer sa conscience supramentale. Tiens, je suis la réincarnation du pape Jean 22. Non, c'est pas ça. Mais quand tu le penses, tu peux te faire charrier en tabarouette. Combien de temps un individu va prendre avant d'aller dire sur la place publique « Je suis le Christ » Il peut pas, hein? Quand ça fait 15 ans qu'il croit, il est tellement programmé que là, il commence à pouvoir le dire. S'il l'aurait dit la première fois, il arrive immédiatement, c'est pas ça. Ou que c'est ça. Mais il aurait réglé le problème. Parlez, pensez pas trop. Dans le dépliant de l'Académie PMC, on y définit l'Académie comme l'expression moderne d'une école du passé, créé jadis par une élite de chevaliers. Explique-moi ce qu'on veut y dire. Bon, bien, très rapidement, c'est simplement qu'il y a des chevaliers qui, dans le passé, ont existé, qui ont vécu, ils ont fait des écoles, ils ont fait des structures permettant l'amélioration de la race humaine, puis il y a plusieurs de ces personnages-là qui sont totalement réincarnés aujourd'hui et qui sont réincarnés aussi dans le passé, qui continuellement ont toujours refait les mêmes choses, ce qui fait que l'Académie PMC, que j'aime bien, ben, c'est simplement la continuité de ces choses-là. C'est simplement ce que ça veut dire. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a des individus qui sont rendus à un point de reconnaissance de leur mémoire réincarnationnelle fusionnée telle qu'ils ne jouent pas. Ils le savent. Et ils le savent à un point tel que lorsqu'ils rencontrent d'autres personnes de la même époque, enfin bref, ils le savent. Ils ont une conscience qui date de quelques années. Quel est le karma relié à utiliser ou à dépenser de l'argent gagné immoralement ou illégalement? C'est évident que quand on se mentalise, on peut facilement dire que la légalité est une question de point de vue. Et on a raison. Est-ce qu'être premier ministre du Canada, c'est légal? Bien, c'est légal. C'est la loi. Est-ce que c'est immoral? S'il vient te voler, c'est un vol légal. C'est ça. Est-ce que c'est moral? C'est autre chose. Mais c'est légal. Donc, on ne peut pas mélanger les deux. Comme par exemple, la justice et la loi, c'est souvent deux choses. Bon. Donc, maintenant, les karmas, qu'est-ce que c'est? J'ai fait plusieurs conférences sur le karma. Pourrais vous référer si je réponds trop rapidement. Mais la problématique, surtout d'utiliser de l'argent comme cela, c'est que le gros du karma, c'est qu'il n'y a pas d'échange d'énergie. Si on parle illégalement, bien souvent, il n'y aura pas eu d'échange d'énergie convenable. Par exemple, c'est de l'argent où on n'a pas déclaré d'impôt. Mais on était content que l'armée vienne se placer peut-être devant les morts. Ou on est content qu'il y ait des services de santé. Ou on est content qu'il y ait... Bon, on bénéficie de structures sociales, que ce soit les vidanges, que ce soit le système scolaire, que ce soit, etc., le chômage, même le bien-être social. Il y en a plusieurs qui vont dire, moi, j'en bénéficie pas du bien-être social. C'est faux. Il y a beaucoup de personnes que vous auriez à enjamber s'il n'y aurait pas du bien-être social. Donc, on en bénéficie. Les rues sont plus propres. Bon. Alors, on doit donc faire attention pour qu'il y ait des échanges convenables d'énergie. C'est là que karmiquement, ça devient problématique. Alors, si c'est de l'argent, par exemple, qu'on a ramassé en vendant de la drogue, on a détruit énormément de conscience. Mais karmiquement, c'est pas génial. Si en plus on s'en sert, vous travaillez dans les mains de Satan, puis à un moment donné, il va venir vous mordre les fesses. Parlant de karma et d'argent gagné, il y a dans la Bible, en quelque part, il y a mention de donner 10% de ce qu'on gagne pour éliminer ou en tout cas pour aider l'activité sociale. En tout cas, au Québec, ils devraient lire ça parce que l'impôt, c'est ouais, bien pire. Ici, c'est 70%. ça dépend des salaires. Hein. On est 7 fois plus. On est 7 fois plus conscientisé qu'à l'époque. À Québec, on est chrétien, en tout cas. Non, mais pour faire référence à ça, les Juifs, principalement, appliquent une mécanique qui ils gagnent un certain nombre d'argent, puis ils en redonnent, comme aux institutions, aux hôpitaux, à des œuvres à but non lucratif, etc. Et puis, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on dirait que plus ils en donnent, plus ils en rentrent. C'est vrai aussi. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire d'attendre d'en avoir suffisamment pour dire « je vais commencer c'est à en donner ». C'est totalement vrai, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le peuple juif est un peuple spécial et il y a des mécaniques et des lois qui sont pour le peuple juif et qui ne peuvent fonctionner pour d'autres peuples et qui peuvent même nuire à d'autres peuples. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait parler au niveau du peuple juif, qui est un peuple, un très bon peuple, mais il y a du monde des fois qui réincarnent les mauvais côtés de la race allemande. Mais les Juifs vont le faire. Il y aura quelques personnes qui ont la capacité de s'associer aux lois de l'ère piscienne juive, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Par contre, ce n'est pas un échange d'énergie convenable. Ça, c'est un achat. Hein? Ça fait partie de la mentalité, d'ailleurs, même du Juif, où il va marchander même avec Dieu. Bon. Maintenant, l'être humain qui évolue, qui arrive à un certain niveau d'évolution, bref, quelqu'un qui peut comprendre un peu ce que je dis, déjà, est à un niveau d'évolution, ou ce que le karma, s'il ne fait pas attention aux échanges d'énergie, va lui revenir sur le dos. Quels sont les effets des exercices de la technique NADO à long terme sur le corps physique et les autres corps? La technique NADO, elle a un avantage particulier. Bon, M. NADO, il y a des choses, évidemment, qu'il ne sait pas, puis il est missionné un petit peu aujourd'hui. Alors, il parle, par exemple, de respirer, alors que l'oxygène, c'est ce qui tue le corps physique, c'est l'hydrogène qui sert de carburant. L'hydrogène est un comburant et ça oxyde les cellules à la longue, etc. Bon, d'ailleurs, hyper-oxygénez-vous, vous allez être étourdi, vous allez avoir des problèmes. Par contre, la technique NADO, ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle permet un pompage sacré. Bon, alors, le pompage sacré, qu'est-ce que c'est? Parce que le pompage sacré, c'est un terme, c'est une technique PMC, c'est le pompage qui est relié aux vertèbres sacrées. Et les vertèbres sacrées, quand on peut faire balancer le bassin dans certaines positions, ça active la circulation du liquide céphalo-rachidien dans la colonne vertébrale, ça vient nourrir le cerveau, refroidir le cerveau, et surtout, ça nettoie le cerveau. Ça ramasse les cellules mortes, ça travaille avec les cellules gliales, plusieurs choses sur lesquelles je vais passer. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'une personne qui est capable de mobiliser son bassin au niveau des vertèbres sacrées, entre autres, et des lombaires basses, d'une certaine façon, va accélérer la circulation du liquide céphalo-rachidien, et cela va venir faire travailler le cerveau d'une façon particulière, qui peut aller jusqu'à engendrer, et c'est vrai, un rajeunissement au niveau des cellules, mais c'est pas à cause de l'oxygénation, et un paquet, donc, de retour à la santé. Quand une personne va marcher dehors, elle a les idées plus claires après. Bien, la marche fait pomper. Et nécessairement, ça sera mieux. Parce qu'on se promène souvent en automobile, ou en autobus, ou etc., et parce qu'on est de plus en plus sédentaire, on devient même sédimentaire à un moment donné. Bon, alors, il arrive qu'il n'y a plus ce phénomène-là. Alors, la technique NADO, entre autres, elle a cet avantage de faire bouger les articulations, ce qui est déjà un bon yoga, mais surtout de faire un pompage sacré. Alors, ça crée quelque chose. En référence à votre conférence, comment savoir si une personne est réincarnée, comme je n'ai pas pu y assister. Auriez-vous l'obligeance de me dire d'où viennent les autres qui ne sont pas réincarnés? OK, j'ai eu peur qu'il me demande de la résumer. Bon, honnêtement, la meilleure chose serait d'écouter la cassette. La première partie, entre autres. De dire d'où viennent les autres qui ne sont pas réincarnés. Bon, la question n'est pas extrêmement claire, donc on peut y répondre de plusieurs façons. Une conférence, bon, le vrai image, une question. Ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le monde de la mort, il y a présentement... Bon, ce serait bien compliqué. Les autres viennent du monde de la mort parce qu'il y a des réincarnations qui sont pluralitaires, qui sont fusionnelles. La meilleure chose, c'est de se référer à la conférence. Et à travers la réincarnation des phénomènes pluralitaires, on réincarne de l'avenir un peu. Donc, la meilleure chose, c'est de se référer à la conférence. Et réincarnant des choses de l'avenir, on réincarne du passé de l'avenir. On réincarne aussi des individus qui sont totalement vivants et qui ne sont donc pas morts encore. On l'a vu un peu aussi dans cette conférence-là. La meilleure chose, donc, d'écouter la cassette. Alors, ce qui fait que probablement, ce serait mieux que vous écoutiez la cassette. Qu'arrive-t-il à quelqu'un ayant un corps éthérique en partie formé ou presque formé? Se réincarne-t-il? On en a parlé aussi lors de la dernière conférence, la réincarnation. Achetez la cassette. Mais ce qui arrive... Non, je suis pas un bon vendeur. Il y en a qui sont des bons acheteurs. Oui, tant qu'à faire un produit qui est intéressant. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que le double éthérique, la personne qui meurt, alors je résume encore très brièvement. Pourquoi je n'aime pas résumer comme ça souvent? C'est qu'on peut ne pas tout comprendre et là, on comprend pas. Bon, on comprend pas tout. La personne qui a un double éthérique à moitié constitué et qui meurt, son corps physique meurt, la personne n'est pas morte encore, c'est-à-dire qu'elle n'a pas gagné le monde de la mort, donc comme on l'a vu dans ces conférences-là. Les parties qui ont créé le double éthérique, donc la conscience intelligente établie chez elle, gagne le double éthérique. Le reste gagne le monde de la mort et digéré dans le monde de la mort, fusionner des éléments qui sont similaires. La partie du double éthérique, à un moment donné, sera attirée par un corps physique particulier, donc elle se réincarnera. Mais on a vu aussi lors de la conférence qu'il y avait, au niveau de l'esprit, surtout une incarnation plutôt qu'une réincarnation. Et il y aura aussi un rappel des mémoires. Alors, si ce n'est pas suffisamment clair, encore une fois, ça serait on pourrait se référer à la dernière conférence du dernier mois sur la réincarnation, ce serait la meilleure chose. Mais il arrive cela, oui, on se réincarne encore, mais on va se rappeler beaucoup plus qui on était et on aura une incarnation au niveau de l'esprit. Je prends le métro un soir, suicide au métro, Jean Talon devant moi. Faut le faire, hein? Je m'en fous. Fais-en un métro. Je vais prendre la ligne bleue, mais je dois faire du pouce sur des carrés pour me rendre où je vais. Je commence à sécréter. Finalement. Je comprends. Mais il faut prendre un métro, prendre la ligne bleue, faire du pouce. Allez, il faut le faire. Finalement, tous ceux qui m'embarquent ne vont pas où je vais. Mais vous faites fourrer, vous faites embarquer. Continue. Je m'amuse un petit peu, mais l'idée simplement, c'est qu'on a une parole tellement fausse dans toutes les langues. Et cette parole-là, elle fait qu'on pose des questions qu'on ne peut pas se répondre. OK? Continue. Je m'aperçois que je deviens ou bien complètement détaché et que je passerai la nuit à faire du pouce ou complètement énervé. Comment peut-on être les deux? Conférence 2, 27, 128, 40. Ça peut venir plusieurs. Bon. Vous êtes deux. Ça, là, c'était pas le signe victoire. En haïtien, c'était oui, toi. Mais c'est pas ça. C'est on est deux. Deux. Vous êtes un ego, vous êtes un mental. Et même l'ego est pluriconstitué. On est un paquet. Alors, chez nous, on peut, par exemple, avoir le goût d'aller voir un film d'horreur et déjà avoir peur de ne pas être capable de dormir dans la nuit. Puis là, on se dit, écoute, je ne suis pas pour aller le voir, je ne dormirai pas. Puis là, on veut y aller, on est manipulé parce qu'on est pluralitaire dans notre constitution. On est deux. Alors, la personne, elle peut, à un moment donné, avoir une trame chez elle qui peut même être mentale, ou ce que, écoute, il n'y a personne qui vient, mais là, on est là. Puis en même temps, l'ego en dedans qui chiale parce qu'il y a une forme d'orgueil. Tout l'univers devrait bouger pour que quelqu'un vienne te prendre. En Cadillac limousine, si possible. Alors, comment pouvons-nous être les deux? On est deux. Vous êtes de l'intelligence et vous êtes de la mémoire d'intelligence. Il y a de l'ego, il y a du mental. Le mental, c'est le début. Le supramental, c'est encore un peu meilleur. Mais on est deux. Alors, la personne, elle dit, comment puis-je être les deux à la fois? On est même souvent bien plus que deux à la fois. Mais grosso modo, on est clairement un qui voit intelligemment qu'il ne devrait pas faire ou devrait faire telle chose, avec l'autre qui le fait ou qui ne fait pas, puis en dedans que ça chiale, puis on est plusieurs. Alors ici, il y a déjà un début de discernement. On est réellement minimum deux. Quand tu fais du pouce, il y a l'air d'une moto, c'est dit, on ne peut pas embarquer. C'est ça, oui. Il y a juste un casque. Mais là, vous êtes manipulé si vous faites comme lui. Moi, j'embarquerai quand même, puis l'autre, ben, il y a rien qu'à suivre. Hein? En 1988, je sais pas c'est quoi, en tout cas, c'est mis à tendre, je suis enceinte, grossesse et accouchement difficile. Le 19 février 1989, une nuit d'éclipse et de pleine lune, je réclamais une césarienne, le cœur du bébé et le mien faiblissait, après une longue attente. Ils le firent, j'ai eu un enfant avec une trisomie 21, mongolisme, deux souffles au cœur et des allergies. Pourquoi? Suite à cet événement, je suis devenu en instance de divorce parce que mon mari me... Je sais pas c'est quoi. Pourquoi tant de choses en 6 mois? Je me sens imitable, irritable. Bon. La question ici, elle demande une réponse qui est d'envergure. Pourquoi? Parce que, bon, normalement, ce sont... je vais répondre et puis... si la réponse, elle n'est pas claire, si c'est trop frappant ou etc., la meilleure chose, ce serait que vous la reformuliez en fonction de ce que vous n'aimeriez pas de la réponse, peut-être pour une prochaine conférence, si ça donne que vous revenez. Premièrement, on doit bien comprendre une chose, c'est que l'enfant qui naît handicapé, ce n'est pas la faute de la mère, ce n'est pas la faute du père. Qu'ils aient eu une très bonne santé psychologique ou physique ou qu'ils aient été drogués ou etc., ça n'a rien à voir. La nature est là de ses caprices qui fait que de temps en temps, il y aura un chromosome, par exemple, qui sera rajouté. Et on pourra aller, bon, au niveau des gènes, on pourra aller jusqu'à développer une forme de mongolisme. Maintenant, l'handicapé est un être humain qui absorbe un poids karmique d'un ensemble d'individus, ce qui fait qu'on peut considérer que ce n'est pas la faute de l'handicapé. Certaines philosophies disent que c'est parce que dans sa vie antérieure, il a fait différentes conneries. Bon, ça n'a rien à voir. L'handicapé, ce n'est pas les parents. Et encore, quand je dis en séminaire, souvent, on en parle, cette mécanique-là. Et ce que je dis souvent, c'est que l'handicapé ne souffre pas tellement de son handicap, c'est les parents. Donc, c'est les parents qui paieraient des problèmes de vie antérieure, pas l'handicapé. Mais l'handicapé est handicapé, donc c'est injuste. Il faut comprendre l'idée, ce n'est pas ce qui arrive. On peut donc... Pourquoi lui arrive tant de choses ici, simplement? C'est qu'il y a des mécaniques dans le système planétaire qui font en sorte que, de temps en temps, il y a du karma noir social qui doit être expié. Et ça tombe sur n'importe qui. Ne cherchez pas la justice sur la planète Terre, il n'y en a pas présentement. Il y en aura, mais il n'y en a pas. De ce fait, à un moment donné, il y a un karma noir qui doit apparaître, et puis il y a un enfant qui est en gestation, il y a une mère qui a une génétique particulière, qui a une psychologie particulière, qui vit dans un contexte particulier, et puis ben, c'est ça qui va arriver simplement. Il y a des mathématiques génétiques qui vont engendrer quelque chose, et au niveau réincarnationnel, ça va être ajusté au corps de l'enfant. Donc l'enfant qui naît comme ça n'en souffrira pas, à moins qu'on l'instruise à en souffrir. Bon, et c'est ce qui arrive souvent. Nous, on se projette dans l'enfant qui est handicapé, puis on en fait un handicapé. Alors, l'enfant lui-même, la conscience qui s'incarne chez lui est une conscience adaptée au corps. Elle va facilement être capable de se suffire dans ce corps-là. Alors que si on l'instruit de d'autres choses, peut-être pas. Alors, normalement, la mère ne devrait pas s'en faire du point de vue cosmique ou du point de vue évolutif. Il ne se passe rien. Pourquoi les injustices comme ça arrivent souvent à des personnes qui... on dirait, ne le mérite pas. Aujourd'hui, j'ai eu connaissance d'un accident qui est arrivé. Un bonhomme qui a ramassé des enfants en problème de différents âges, puis qui les a bien éduqués, puis qui les a sortis de leur milieu problématique. Il est en voiture, il a 3 enfants en arrière, il y a une auto avec 3 ouvrants, il est avec son épouse. Il freine pour éviter un accident. En tout cas, ils ont eu un accident, mais la petite a été projetée par le toit ouvrant, celle qui avait ramassé puis qui avait sorti de la merde, comment dire, puis elle a été frappée, puis elle est morte. Mais c'est, je trouve ça niaiseux. C'est quelqu'un qui aide... C'est totalement planétaire. C'est humain. Mais pourquoi... Et stupide totalement. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est ça qui est le problème. Bon, la réponse ici, tout à l'heure, j'ai failli dire, mais là, il faut cesser de vendre à un moment donné, c'est que c'est une réponse que je préfère élaborer en séminaire. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre 1 heure, 2, 3, 4, 5 heures, même une journée au complet, finalement, à comprendre un paquet de mécaniques, où on va finir par saisir ce que je veux dire, comme tu dis là encore, pourquoi il n'y a pas de raison. Il y a une raison, mais ça ne regarde pas le père, ça ne regarde pas l'enfant qui est mort, ça ne regarde pas ses géniteurs, ça ne regarde personne. Ça regarde simplement, là, c'est la façon dont l'humanité évolue sa planète. Quand il y a une guerre, il y a une bombe qui tombe quelque part, ça tue un paquet d'innocents. On parle d'innocents. Oui, ça tue des individus qui apparemment n'ont rien à voir avec la guerre. Bon, les accidents d'automobile, quand est-ce que ça tue des coupables de quelque chose? Hein? Bon, la drogue, les accidents d'avion, quand est-ce que... Ah, oh, il y avait un criminel dans l'avion, puis les 345 autres, eux autres, c'était un empaquetage, c'était quoi? Bon, alors, faut qu'on comprenne une chose, et ça devient, à un moment donné... Bon, moi, j'ai vécu des choses aussi dans ma jeunesse, dans ma vie, des choses qui, normalement, auraient fait souffrir énormément d'humains. Bon, et ça ne m'a pas dérangé parce que j'en comprends la mécanique. C'est absolument, on pourrait dire en termes québécois, ça commence par C, mais c'est extrêmement débile, c'est totalement stupide. Si je pourrais, à un moment donné, faire un combat de boxe avec ceux qui s'en occupent, j'irais me battre. En tout cas, si c'est pas l'intelligence qui gère l'évolution planétaire, l'intelligence gère la stupidité planétaire, une chance. Mais l'intelligence n'est pas encore incapable de s'exprimer dans le contexte planétaire, c'est dans la mémoire qui s'exprime. Et ça crée un paquet de problématiques qui sont longues à expliquer comme ça ici, et c'est ce qui va faire en sorte, donc, qu'à un moment donné, effectivement, ça... Quand je dis, par exemple, toi, tu t'es fait attaquer sur la rue, tu t'es fait violer par deux femmes. Pourquoi? Et moi, je te dis, premièrement, ces deux femmes-là ne devaient pas voir ce qu'elles faisaient. Bon, OK, bon. Mais... Il y a des jaloux. Non, des fois, t'as pas. Mais là, ce que je vais dire, c'est que ça ne te regarde pas. Et là, lui pourrait me répondre, écoute, c'est moi qui me suis fait violer. Oui, mais ça ne te regarde pas. Tu sais, il y a un oiseau qui passait, là, et puis à un moment donné, il y a, bon, et puis il y a un guano qui est tombé. Toi, tu sortais de chez Guano et Bousquet. C'était fait avoir, comme il faut, bon. Hein, c'est un excrément d'oiseau, le guano. Paf, sur ta tête. Pourquoi? Parce qu'il avait envie. Et pourquoi il avait envie, là? Ben, il fallait qu'il ait envie quelque part. Bon. Puis le nombre d'années que t'as passé sur la planète sans que ça te tombe sur la tête, avec la quantité de ce qui tombe du ciel, de tout ça, tu sais, t'es chanceux. Des fois, c'est ton automobile. Des fois, c'est... etc. Alors, faut comprendre qu'à un moment donné, effectivement, c'est parce qu'on est dans une structure collective où il y a des karmas qui doivent s'accomplir. C'est dommage. La dame peut dire, oui, mais par exemple, c'est moi qui vais rester prêt avec lui. Oui. Et non. Ça dépendra de la personne. Ça ne dépend pas de l'enfant et il n'y a pas de raison, ne cherchez pas de raison cosmique à ce qui arrive. Comme tel, ça ne vous regarde pas, mais vous serez pris avec. Ou vous ne serez pas pris avec. Ça ne regarde pas l'enfant, ça ne regarde pas la mère, ça ne regarde pas le père. Monsieur Kemp, y a-t-il un lien entre vous et la Société montréalaise d'ontologie? Non. À part qu'on est sur la même planète. Et en passant, ça ne veut pas dire que la société n'est pas correcte. Fais attention, je n'ai pas de lien. J'ai pas de lien, il y a bien des choses, j'ai pas de lien avec rien. Alors, Voulez-vous nous donner des trucs pour désamorcer l'énergie négative qui nous assaille? OK, si on a le temps, on va reparler un petit peu du phénomène, sinon ça va être très long. Les conférences, grosso modo, on en parle régulièrement. Il y a beaucoup de questions. Vas-y. Raël parle de géniocratie, le génie au pouvoir. Qui va mettre des génies au pouvoir si ceux qui votent ne le sont pas? Aussi traite-t-on Raël de fasciste et de deuxième Hitler? Bon, Raël, c'est la réalité qui parle, hein? C'est pas la réalité. Deuxième Hitler, enfin non, ils sont loin de là. Mais on parle de géniocratie, effectivement, au niveau de Raël. Maintenant, il faut faire attention, c'est que... Raël est relié à des mécaniques éolimiques, des Elohim. Et une chose qu'on doit comprendre, c'est que les Elohim ont une seule mission, une seule fonction au niveau des systèmes super universels, donc au niveau des systèmes créationnels locaux, c'est que les Elohim sont là pour jouer dans la génétique. Et présentement, ce qu'ils font avec la mécanique raélienne, par exemple, c'est de ramasser de la génétique chez certains humains pour la retransplanter sur d'autres planètes, de façon à ce que si ça foire ici, que l'évolution planétaire n'ait pas manqué son coup. Mais quand on dit aux êtres humains, par exemple, vous allez vous réincarner sur une autre planète, le corps physique, oui, l'individu, jamais. Mais ça, on ne leur dit pas, de toute façon, on ne leur dira pas non plus. Bon. Maintenant, c'est la génétique qu'on prend simplement pour recréer des corps physiques, parce que le corps physique sera facilement reprogrammable après, et on pourra reconstruire plus rapidement qu'à partir des lémuriens ici. Un petit singe, le singe lémur, entre autres. Bon. Première chose. Deuxièmement, ce qu'on doit comprendre, c'est que la mécanique éloïmique, elle est reliée de l'intelligence supramentale, donc elle est supramentale. Et on a vu dans la conférence sur l'amour, en l'occurrence, l'intelligence qui a du cœur, que la mécanique supramentale, elle est extrêmement débile. Elle ne connaît pas le contexte humain. Elle ne fait donc pas, elle ne prend pas en référence et en conséquence ce qui va se passer chez l'humain. Autrement dit, lorsque Jean le Baptiste a travaillé pour l'intelligence christique, il a perdu la tête après. Lorsque Jésus a prêté son corps à l'intelligence christique, bien, il est mort sur une croix après. Et ça a toujours été comme ça. L'intelligence qu'elle fait, c'est qu'elle dit, bon, le Baptiste, il faut qu'il se ferme la gueule. Il se la ferme pas, on y la ferme la gueule. Et ça a toujours été comme ça. Alors, au niveau du mouvement raélien, on aura la même chose. Raël, au début, il s'est assagi, c'est-à-dire qu'il a politisé sa chose, mais ça reste exactement cela. On devrait faire naître les enfants. Plus de copulation sexuelle, on y va juste avec la génétique, comme ça, les torts, on va les éliminer. C'est intelligent. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humainement intelligent? Est-ce que c'est intelligemment humain? On verra. Mais là, ce qu'on fait, c'est que les enfants viennent au monde. Puis à 3, 4, 5 ans, on leur fait passer un test. Ceux qui le passent pas, on les tue. C'est de la matière de la chair, on les élimine. Bon. Et là, on va garder que le génie. Et progressivement, on aura le génie au pouvoir, en ce sens qu'on aura aussi un peuple de génies. Mais je te garantis que Raël ne passera pas le test, lui. Adolf Hitler était de sang juif. Et il préconisait la race blonde aux yeux bleus. Lui, il était noir. Il a les cheveux noirs, les yeux basés. Ça n'a rien à voir. Réel, c'est un peu la même chose. Donc, on doit comprendre que c'est de l'application d'intelligence digérée par un ego qui n'est pas capable de conscience supramentale, donc de conscience intelligente. Réel est manipulé par les Elohim. Réel n'est pas capable de digérer. Donc, Réel n'a pas la capacité de discerner. Il n'est pas capable de filtrer. Il est donc manipulé. Mais sa manipulation, elle est cosmiquement essentielle. C'est génial. Et les personnes qui auront donné, m'ont donné une cellule, n'ont rien perdu d'eux-mêmes. Ils auront transmis leur génétique comme s'ils avaient fait un enfant à la voisine de notre bord. C'est tout. OK? Ou au voisin. Maintenant, il n'y a pas de problème. Sauf que la mécanique appliquée par les Elohim est une mécanique supramentale, donc elle se fout de l'humanité. C'est une mécanique à dire, par exemple, simplement, j'en ai parlé un peu à un moment donné, les Mohawks mettaient des enfants devant les barricades. Une intelligence uniquement supramentale, non capable d'amour, se pointe en avant, bien, il descend l'enfant. Parce que, pourquoi? Ils ne recommenceront plus. Il y a raison. Là, une des grandes armes de guerre des Mohawks, par exemple, viendrait d'être éliminée. Il n'y amènera pas un deuxième enfant, là. Fini. Oui, mais c'est pas... On peut faire mieux. Et ça, c'est l'intelligence qui a du cœur qui peut faire ça. Alors, dans la mécanique de Raël, c'est intéressant, c'est correct. Le génie au pouvoir, ce ne sera pas le génie au pouvoir. Ce sera l'intelligence, et ça, c'est le grand monarque. Et le grand monarque, c'est une intelligence qui est dans la tête de tous les individus, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de gérant, parce que c'est évident. Ce n'est pas le génie au pouvoir, en ce sens, comme le voit Raël, et c'est un peu ça qui va arriver, mais pas par la mécanique raélienne, ou encore Elohimique, qui ont une autre fonction présentement, qui est cachée, parce que sinon, l'humain ne voudra pas embarquer. Et c'est correct que l'humain embarque. Mais c'est correct maintenant que j'en parle. La maladie de fatigue dont tu parles est-elle provoquée par les intraterrestres? Joue-t-il un rôle dans la... Bon, les intraterrestres, ils font bien des choses, là, mais... Les ninjas? Turtles? Oui, les ninjas, c'est l'application, c'est pour préparer l'humain à aimer le contact. On a eu E.T., on a eu plusieurs phénomènes du genre qui ont préparé l'humain au contact extraterrestre qui va probablement arriver dans quelques années. Et au niveau des intraterrestres, c'est exactement ce qui arrive aussi. Les intraterrestres, on sait qu'ils sont des mutants. Ils ont essayé longtemps de se mêler à la génétique humaine. Ça leur a donné les gargouilles, ça leur a donné un paquet de phénomènes du genre. Puis là encore, c'est un film préparatif. Ça vient du sous-sol, etc. Puis bon, ben c'est assez... Joue-t-il un rôle dans la pollution? Ben oui, si on l'a vu un peu tout à l'heure au niveau de la pollution, du gaz carbonique ou ces choses-là. Bon, on pourrait dire plusieurs choses encore sur les ninjas machin, mais on va encore attendre un peu. Le Nazaréen a dit « Celui qui veut connaître mon Père dans les cieux doit renaître une deuxième fois. » C'est évident. Faut-il le renaître dans la vie ou s'incarner sans se réincarner? Tout est possible. Premièrement, mon Père dans les cieux fait référence à autre chose qu'au début à son Père dans le ciel. Le ciel, c'est le monde de la mort, je reviens là-dessus. Alors lui, il devait faire les choses de son Père dans le ciel. Progressivement, il est sorti du ciel, donc il a ouvert les portes du ciel, ce qui permet à la conscience humaine maintenant de quitter, de ne pas être confiné au monde de la mort. Lazare est le premier et le seul actuellement qui aura tout fait des initiations. Il deviendra le comte de Saint-Germain, Thomas Maid, etc. Et effectivement, donc, il parle du Père dans les cieux. Les cieux, ils sont divisés en trois parties. Et la partie divine qui sera intentionnelle, la partie qu'on parlera du Fils, la partie de l'amour ou la partie bouddhique qui est la gratuité, donc qui n'a pas besoin, qui n'est pas réactionnaire, et la partie de l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale, l'énergie christique, c'est la même chose. Bon, quand je parlais de renaître, la cellularisation fera qu'un jour vous serez totalement rené, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de génétique descendante de vos ancêtres. Vous serez naître neuf. Vous vous serez mis au monde vous-même. Il y a deux façons de renaître. La fusion avec le corps physique, un double éthérique va faire cela. La cellularisation de la conscience, donc une fusion de son vivant. La fusion à la mort du corps physique, emporter son corps à sa mort, ce que le Nazaréen a fait. C'est pour ça que le corps a été dissous en quelques heures. On n'a pas retrouvé le corps après dans le tombeau. On pense qu'il est parti, mais il est parti, mais pas comme il pensait. ça a laissé une trace dans la guenille, mais bon. Et puis, l'autre façon de renaître va être de gagner un double éthérique avec un corps physique peut-être trop altéré et de s'incarner, comme le fait Saint-Germain, dans un adulte ou dans un enfant ou dans un bébé. Mais là, encore une fois, en venant chez lui, on va retransformer le corps physique pour l'adapter à ce qu'on est, ce qui fait qu'on met un corps au monde, même si le corps, on ne l'a pas, par exemple, porté dans notre utérus. Donc, c'est trois façons de renaître, mais finalement, c'est la même façon de renaître, c'est de se mettre au monde par la conscience. Vous avez déjà mentionné que l'homme nouveau ou transitif peut être atteint de maladies qui lui sont typiques. L'accélération non contrôlée de l'influx nerveux de laquelle des comportements jugés anormaux peuvent découler en est-elle? Oui. Lorsque cela se produit chez un être humain, est-il plus vulnérable à la manipulation de l'astral? Ça dépend simplement de l'information et c'est pourquoi les conférences ont toujours une forme d'utilité ou les conférences que je donne ou d'autres conférences, les livres que vous pouvez lire, même certains films. C'est que plus l'ego a de l'information, plus mentalement on est capable de s'en faire un allié. La personne qui vit certaines choses, c'est évident que si elle connaît la mécanique, elle sera capable de s'en sortir convenablement. Alors que la personne qui ne connaît pas la mécanique, elle va vouloir se normaliser et elle deviendra extrêmement influençable, donc plus facilement manipulable par l'astral, par les autres comme par la conscience collective simplement. Mais je reviens encore à un point sur lequel j'insiste un peu quand on parle de cette chose. Vous avez une tachycardie ou encore une douleur rétrosternale, donc une subtile crise de cœur. Bien, c'est facile de se dire « Ah, c'est parce que j'évolue. » Ça peut être aussi un vrai DRS. Ça peut être parce que le cœur vit une ischémie puis on a un problème au niveau du sang, au niveau d'une artère. Donc, on doit quand même toujours faire attention. Il y a effectivement des syndromes pathologiques ainsi que des maladies typiques de l'évolution qui vont apparaître, mais il y a aussi des symptômes qui font partie des maladies typiques dégénérescence de la race humaine actuellement. Donne-moi des moyens pour combattre ou déjouer l'astral. Ouais, ben c'est ça. Écoutez toutes mes conférences. Il y a une chose qu'on doit comprendre à un moment donné, et c'est quand on a écouté plusieurs conférences régulières, à un moment donné, peut-être, ce serait intéressant qu'on se parle un peu plus de temps, quelques heures de temps, et ça, c'est surtout le séminaire qui va faire en sorte que là, on peut répondre plus convenablement. La personne, après le séminaire, elle n'a pas toutes les clés. Elle a tout ce qu'il faut pour se bâtir les clés, parce que chacun doit amener ses clés, mais il faut au moins qu'il connaisse un peu les recettes de base. Mais des trucs pour déjouer l'astral, déjà en partant, c'est l'ego qui pose la question, ce qui fait que la personne est déjà manipulée par l'astral. Et en plus, il n'y a pas de truc. Pourquoi? Parce qu'un truc, c'est une fuite, alors que dans l'évolution, en réalité, on doit aller vers une lucidité. C'est un peu comme « donne-moi un truc pour ne plus avoir peur ». Dans mon cas, je n'ai jamais peur, je n'ai plus peur, donc je n'ai pas de truc. Mais je peux donner des trucs, mais le truc va faire en sorte qu'on aller rester l'esclave du truc à vie. La meilleure chose, c'est de comprendre des mécaniques qui font en sorte que l'astral nous manipule, des mécaniques qui font en sorte qu'on est manipulable et manipulé, et par la suite, des mécaniques qui vont faire en sorte que vous, en tant qu'intelligence, allez vous installer dans votre corps physique pour devenir le maître contrôleur du corps. Et là, il n'y aura plus besoin de trucs parce qu'il n'y aura plus ces manipulations-là. Et c'est plus à long terme, mais moi, c'est ce qui me plaît de travailler. Quelque chose qui prend plus de temps et qui fonctionne. Un mot, c'est mieux. Quelle est la différence entre un voyage astral et un déplacement séraphique? Le corps astral, c'est de l'énergie périspritique qui entoure l'âme. Alors, on a la capacité dans le rêve, dans le sommeil, de grimper le long d'un canal, le canal réincarnationnel. Ésotériquement, on appellera ça la corde d'argent. Et là, on peut aller fouiller dans le monde de la mort, dans nos mémoires qu'on a vécues dans notre vie ou aujourd'hui, ou dans les mémoires de d'autres, et donc même dans les mémoires qui ont enregistré le passé, et on rêve. Bon, on fabule, on rêve, on cauchemardise, on s'amuse. C'est le voyage astral. Si on est capable de garder suffisamment de conscience dans le système nerveux, dans le système neuronique, alors qu'on fait un voyage astral, donc un rêve, alors là, on est conscient qu'on est réveillé en même temps qu'on rêve. Donc, on fait un voyage astral, une extra-conscientisation du corps astral. C'est le voyage astral. Le transport séraphique, c'est qu'au niveau du corps astral, il y a donc une partie basse, qui est le chérubin, partie chérubinique. C'est là-dedans qu'on fait le voyage astro. La partie séraphique, là, c'est l'enveloppe du double éthérique, qui appartient aussi à la partie périspritique de l'âme. C'est l'enveloppe du double éthérique. Un transport séraphique, c'est la conscience et l'intelligence qui va fouiller dans l'instantanéité d'une expression, alors que le voyage astral va fouiller dans la mémoire de l'expression. Autrement dit, en transport séraphique, je rentre dans votre maison et je vois ce que vous faites. À l'instant, vous le faites. En voyage astral, je peux arriver chez vous et je vais voir ce que vous faites. Une seconde en retard sur ce que vous faites, c'est de la mémoire que je vois. Le voyage astral est confiné à la planète et à tout ce que les humains ont mis en mémoire ou en information dans la planète. Donc, on peut voir, visiter la Lune en fonction de ce qu'on connaît de la Lune ou de ce qu'on a cru que la Lune était. On pourra voir des océans sur la Lune parce qu'il y a eu un moment donné où, dans l'Antiquité, on pensait que c'était des mers, la mer de tranquillité, etc. Bon, en voyage séraphique, on a la capacité même de changer de galaxie et on voyage au-delà de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière, elle est limitée. La lumière peut aller beaucoup plus vite que 300 000 km à la seconde parce qu'elle va s'effriter sur la courbure de l'espace-temps. Elle est limitée à 300 000 km à la seconde. En transport séraphique, c'est de l'instantanéité, ce qui fait qu'on peut être projeté, en tout cas, beaucoup plus loin. Et l'individu qui croit faire des transports séraphiques, croit faire des transports séraphiques. Est-ce que Arcadia, planète alliée d'Arca, se situe dans la galaxie d'Andromède? Bon, si je réponds comme j'aimerais répondre, c'est oui et c'est non. Parce qu'on donne les noms qu'on veut aux endroits qu'on cible. Bon, première chose. Maintenant, bon, la personne, elle pourra finaliser elle-même un peu ses réponses, mais c'est évident que d'Andromède, nous avons des constituants qui proviennent d'Andromède, et d'Andromède, il y a énormément de contacts entre certaines phénoménologies évolutionnaires et ce qui se passe au niveau de certains systèmes effusés chez Andromède. Bon, okay, c'est pas compréhensible, je comprends, mais c'est la réponse. Est-ce que certains individus... À la question, hein, faudrait la poser. Est-ce que certains individus, pas tous... MTS le serait devenu suite au fait qu'il se serait trompé de porte, exemple conférencier de leur non. faisceau, livre ou information pour leur niveau de particularité. Explique comment un martyr tant supra peut s'en sortir afin de prendre une autre voie. Bon, en passant, une personne qui se pense MTS, martyr de la transition supramentale, n'en est pas une. OK? Donc, si la personne pensait qu'elle ne cherche pas d'autre voie, elle n'en est pas une. Elle peut souffrir à avoir ceci, à avoir cela. Un MTS, c'est quelqu'un qui se prend pour le nombril du monde, qui ne peut plus parler à personne, qui ne peut plus régir quoi que ce soit, qui démolit les égaux, qui va dire que telle religion, c'est toutes des stupides, puis qui attaque n'importe quoi. Lui et lui avant tout. Et dans tout ce qu'il va dire, c'est logique, c'est mental, c'est presque indestructible, il a raison. Mais en même temps, on sent qu'il a...